Chapitre 3e. La première fois que je me trouvai pris dans un cyclone aquatique, ce fut à l'occasion d'une sortie avec cette jeune personne si chère dont j'ai déjà parlé dans mes précédents rapports, Mona, la fille de Manda. Il y avait, à 1 mile de la colonie, un magnifique banc d'algues paré des couleurs les plus diverses. C'était le jardin particulier de Mona, qu'il aimait beaucoup. Les serpulaires roses s'y mêlaient aux ophiorides pourpres et aux rouges aux loturies. Un jour que Mona m'y avait mené, la tempête nous y surprit en pleine contemplation. Le torrent qui fondit sur nous à l'improviste avait une telle force que, pour n'en être pas tous deux balayés, nous dûmes gagner l'abri du rocher en nous tenant l'un à l'autre. Je remarquai que l'eau en était d'une température très élevée, presque intolérable. Preuve que ces déplacements ont une origine volcanique et sont la conséquence de quelques troubles survenus au loin dans le lit de l'océan. La boue du grand plateau, agitée, soulevée très haut, tenue en suspension, voilait la lumière autour de nous comme un épais nuage. Trouver le chemin du retour était impossible, car nous avions perdu tout sentiment de la direction à suivre. Et d'ailleurs, comment aurions-nous remonté un torrent? Pour comble de détresse, un alourdissement de la poitrine, une difficulté croissante de respirer, nous prévenait que notre provision d'oxygène commençait de s'épuiser. C'est à de pareilles heures, dans l'imminence de la mort, que les grandes passions primitives, montant à la surface, submergent en nous toutes les émotions inférieures. Alors seulement, je connus que j'aimais ma douce compagne, que je l'aimais de tout mon cœur, de toute mon âme, que je l'aimais d'un amour enraciné au plus profond de moi, que désormais elle était une part de moi-même. Quelle chose curieuse qu'un sentiment semblable, et combien impossible à analyser. Il ne tenait pas à l'attrait, si grand qu'il fût, de Mona, au charme de son visage, ni à la musique de sa voix, bien que jamais je n'en eusse entendu d'aussi mélodieuse, ni à la communion de nos esprits, puisque je ne pouvais être instruit de sa pensée que par l'expression de sa figure sensible et toujours changeante. Non, il y avait à l'arrière de ses yeux noirs et songeurs, il y avait, au tréfonds de son âme comme de la mienne, quelque chose qui nous associait pour toujours. Je lui tendis ma main, j'y étreignis la sienne, et je lus sur ses traits qu'il n'était en moi ni pensée ni émotion qui ne s'épancha dans son âme réceptive et ne colora sa joie adorable. Mourir à mon côté ne l'effrayait point, et mon cœur palpitait à l'idée de mourir près d'elle. Mais nous n'en devions pas venir là. On croira peut-être que nos enveloppes de verre excluaient tous les bruits. En réalité, certaines vibrations de l'air y pénétraient, dont le choc déterminait à l'intérieur des vibrations similaires. Nous entendîmes brusquement de grands battements métalliques, répercutés de proche en proche, comme ceux d'un gong lointain. Je ne soupçonnais pas ce que cela pouvait être. Mona, elle, le sut d'emblée. Elle se leva du recoin où nous étions blottis, prête à l'oreille et ployée en deux, toujours me tenant par la main, elle partit dans la tourmente. C'était une course à la mort, car l'oppression que je ressentais à la poitrine devenait de plus en plus insoutenable. Je vis le cher visage de Mona interroger anxieusement le mien, et titubant, je m'efforçais de la suivre. À son air, à ses mouvements, je comprenais qu'elle n'était pas aussi près que moi d'avoir épuisé son oxygène. Je tins bon tant que la nature voulut me le permettre. Soudain, tout se mit à tournoyer devant mes yeux. Je lançai les bras en avant, et tombai inanimé sur le sol mou. Quand je repris mes sens, je me trouvai allongé sur mon lit dans le palais des Atlantes. Le vieux prêtre, en robe jaune, était debout à mon chevet, tenant une fiole où il y avait sans doute un stimulant. Maracotte et Scanlan se penchaient sur moi avec une expression de détresse. Mona était à genoux au pied de mon lit, et ses traits disaient sa tendre angoisse. La vaillante jeune fille avait dû se hâter vers la porte de la colonie, où, dans les circonstances de ce genre, on avait coutume de battre un gong très sonore afin de rendre leur direction à ceux qui pouvaient l'avoir perdue. Elle avait expliqué ma situation, guidé les secours et notamment emmené mes deux camarades qui m'avaient rapporté dans leurs bras. Quoi que je fasse à l'avenir, c'est en vérité Mona qui le fera, car ma vie est bien un cadeau qui me vient d'elle. Aujourd'hui qu'elle m'a, par un miracle, accompagné dans le monde d'en haut, le monde des hommes sous le soleil. C'est pour moi un étonnement de penser qu'au degré où je l'aimais, j'aurais consenti de grand cœur à prolonger mon séjour au fond des eaux jusqu'à ce qu'elle consentît à être mienne. car je fus longtemps sans deviner le lien secret, le lien étroit, qui nous attachait l'un à l'autre et qui n'était pas, comme je pus le voir, moins fort chez elle que chez moi. C'est à Manda, son père, que j'en dus la révélation bienheureuse. Manda avait souri à nos amours avec l'indulgence tant soit peu amusée d'un homme qui voit se produire l'événement par lui prévu. Un jour enfin, nous ayant pris à part, il nous conduisit dans sa chambre où il disposa l'écran d'argent chargé de refléter sa pensée. Tant qu'un souffle de vie m'habitera, je me rappellerai ce qu'il nous fit voir. Assis, Mona et moi, côte à côte, les mains unies, nous regardâmes comme en extase se succéder les images engendrées et projetées par cette mémoire raciale du passé que possèdent les Atlantes. Sur une mer admirablement bleue se projetait une péninsule rocheuse. Peut-être n'ai-je pas dit que ces films mentaux, si je puis ainsi parler, reproduisent la couleur aussi bien que la forme. Donc nous vîmes un promontoire que dominait une maison d'un dessin bizarre, très vaste, très belle, avec un toit rouge et des murs blancs. Un bosquet de palmiers la saignait. Dans ce bosquet, il semblait y avoir un camp. Nous distinguions des blancheurs de tentes et çà et là le scintillement d'une arme, comme si une sentinelle montait la garde. Un homme, dans la force de l'âge, allait et venait à découvert, en côte de maille, un léger bouclier à l'un des bras, et de la main opposée, tenant une arme, épée ou javeline, je ne pus bien m'en rendre compte. Il se tourna vers nous, et je connus tout de suite qu'il était de sang atlante. À vrai dire, il m'eût paru le frère jumeau de Manda sans la dureté menaçante de ses traits, qui le dénonçait comme un être brutal, et brutal non point par ignorance, mais par disposition naturelle. Jointe à l'intelligence, la brutalité donne la plus dangereuse des combinaisons. Dans la hauteur de ce front, et l'ironie de cette bouche en baille de barbe, il y avait l'essence même du mal. Si cet homme était l'une des incarnations antérieures de Manda, comme ses gestes semblaient vouloir le faire entendre, son âme, sinon son esprit, s'était singulièrement élevée dans la suite des temps. Comme il approchait de la maison, nous vîmes, sur l'écran, une jeune fille aller à sa rencontre. Elle portait le vêtement des Grecs antiques, une longue robe blanche très stricte, le vêtement le plus beau et le plus digne qu'aient jamais porté les femmes. Sa contenance marquait la soumission et le respect qu'une jeune fille doit à son père. Celui-ci pourtant la rabroua, jusqu'au point de lever la main comme pour la frapper. Elle recula, le soleil fit resplendir son admirable visage inondé de larmes. Je reconnus en elle ma chère Mona. L'écran d'argent se brouilla, et tout aussitôt un autre tableau y prit forme. Il représentait une anse au milieu de rochers, qui me parurent appartenir au même promontoire. Un étrange bateau érigeait en premier plan ses deux bouts en pointe. Il faisait nuit. Mais la lune se mirait dans les flots, au ciel luisaient les étoiles familières, les mêmes pour Atlantis que pour nous. Le bateau se rapprocha, conduit par deux rameurs. À l'avant se tenait un homme enveloppé d'un manteau sombre. Près de terrir, il se leva et regarda vivement autour de lui. Il était pâle et grave sous la lune. La main de Mona serra nerveusement la mienne. Manda poussa un cri. Mais je n'eus besoin ni de ce cri, ni de cette étreinte, pour m'expliquer le frisson qui me parcourut tout entier. Cet homme, c'était moi-même. Oui, moi, Cyrus Hadley, aujourd'hui citoyen de New York et boursier d'Oxford. Oui, moi, l'un des tout derniers produits de la culture moderne. J'avais joué un rôle dans cette puissante civilisation de jadis. Je comprenais maintenant pourquoi, souvent, j'avais trouvé un air de choses vaguement connues aux symboles, aux hiéroglyphes que je voyais un peu partout dans le palais des Atlantes. Maintes et maintes fois, je m'étais surpris dans l'état d'un homme qui cherche à violenter sa mémoire parce qu'il se sent au bord d'une grande découverte, qu'il en est sollicité, qu'il la devine à portée de sa main. Et je comprends aussi le frémissement de tout mon être quand mon regard croisait celui de Mona. Il venait des profondeurs de mon subconscient où reposaient les souvenirs de 12 millénaires. Le bateau, cependant, avait touché le rivage. Une blanche silhouette s'était détachée d'entre les buissons. Mes bras se tendirent vers elle. Après un enlacement trop bref, moitié la soulevant, moitié la portant, je l'entraînai jusqu'au bateau. Je ne l'y avais pas plutôt déposé que la conscience d'une menace subite me fit faire des signes éperdus aux rameurs pour qu'ils prissent le large. Des gens survenaient de toutes parts, des mains s'accrochaient au bateau, En vain, j'essayais de leur faire lâcher prise. Le fer d'une hache brilla dans l'air et s'abattit sur ma tête. Je tombai sur Mona, mort, et ensanglantant sa robe blanche. Je la vis hurlante et les yeux fous, tandis que son père la tirait par ses longs cheveux noirs pour la dégager de dessous mon corps. Puis de nouveau tout se brouilla.